Il y a une chose qui est très importante, c'est que toi tu peux croire, tu ne le vois pas, mais tu as en face de toi des signes de ce qu'il a fait. Et toi tu vois par exemple la nature et tout ça, tu te dis tout ça c'est Dieu, Allah qui l'a fait. Et d'autres voient tout ça et croient que c'est venu comme ça. Jean-Jacques Rousseau disait, celui qui regarde le monde et ne croit pas en Dieu, c'est comme quelqu'un qui pense qu'on a pris toutes les lettres de l'alphabet, qu'on les a mis dans un sac, on les a jetées et ça a donné le dictionnaire. C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit ça, c'est vrai. Je veux dire, c'est tellement miraculeux, le dictionnaire, tu le jettes, et hein, voilà, dictionnaire. Et le livre après, qu'on fera là-dessus, s'appellera « Le hasard et la nécessité ». Le hasard. Bon, mais ça c'est quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a ça, de dire c'est comme ça, on n'y croit pas. Toi, tu peux y croire parce que tu vois des signes, mais il y a déjà quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut remercier Allah SWT. Il faut remercier Allah SWT d'avoir ça dans son cœur déjà, et d'avoir mis le fait que quand tu regardes les choses, tu penses qu'il est là.